Mandine, je pose une question. Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous ça quand je dis à vous des questions? Ou vous préférez que j'y aille solo? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Les deux? Vous aimez ça, les chats? Ah oui? Posez-moi une question. Quelle relation peux-tu faire entre la colère et la volonté? La relation entre la colère et la volonté? Ça, c'est intéressant comme question. Il y a trois... Bon. La colère, quand tu es conscient de la colère, il dit la colère vous permet de vous mettre en opposition avec nous autres. La colère, elle nous permet de se mettre en opposition avec eux autres. Ce phénomène-là nous donne de la volonté. Tu sais, quand je dis l'homme n'a pas de volonté, l'homme fait des efforts, mais l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est de la volonté. La volonté, là, ma définition de la volonté dans le sens occulte du terme, c'est arracher aux forces de vie leur emprise sur ma conscience planétaire à travers des événements manipulés pour mon évolution. Mon opposition, c'est ma capacité de me mettre en colère pour faire surgir en moi des énergies mentales, émotionnelles, vitales, physiques, qui me permettent de me libérer d'une certaine programmation qui ne fait pas mon affaire. Ma maladie, c'est un exemple. J'ai été malade, je comprends ma maladie, c'est une bonne maladie, elle a servi à bien des niveaux ma maladie. Mais il a fallu que j'arrache cette programmation-là, que j'arrache ça. Fait que ça prend une volonté, ça prend une colère. Sans ça, tu ne te guéris pas. Tu finis, tu te mets dans les mains des médecins, puis tu peux pas te guérir toi-même. Fait que la colère, elle permet à l'homme, cette colère-là, là, occulte que j'appelle, elle permet à l'homme de pas se reprogrammer, mais ajuster sa programmation. Parce que tu es toujours programmé. Tu peux pas venir, tu peux pas t'incarner sans une programmation. Mais tu peux l'ajuster, cette programmation-là. Et dans le processus d'ajustement de ta programmation, tu grandis en certitude d'intelligence. Là, je vais vous parler de ça, l'affaire de la certitude. C'est quoi ça, de la certitude d'intelligence? La certitude d'intelligence... Ah, ça, c'est intéressant. Je le vois. La certitude d'intelligence, c'est une intelligence qui n'est aucunement colorée par de la croyance. C'est raw energy. Autrement dit, là, bon, supposons, il y a 5 ans, tu m'avais dit, bon, ben, Tu vas-tu te guérir de ça? Tu vas-tu régler ton problème des poumons? Je te l'ai dit oui. Ça, c'est pas de la croyance, ça. It's just raw energy. C'est de la volonté pure. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 10 mois, 10 ans, pas grave. Le temps, je suis capable d'intégrer. Mais ma volonté de me guérir et de me redonner mon état de santé que j'avais avant, ça, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle l'intelligence. C'est raw energy. Puis pour que l'homme ait cette forme d'intelligence-là, cette certitude dans l'intelligence, il faut qu'il ait éliminé de sa conscience de la croyance. Parce que de la croyance, c'est connecté à de l'espoir. Puis de l'espoir, c'est de la manipulation mentale à travers ton corps émotionnel pour te donner un petit peu plus de survie, un petit peu plus de temps pour mourir. Fait que moi, si je dis à eux autres, quand je suis malade, je dis, j'ai une vie de tant d'années, je suis supposé de mourir telle année, je connais la date de ma mort. Si vous me faites mourir avant le temps, vous allez avoir des crises de problèmes avec moi, mais j'arrive au bord. Ça fait partie de ma volonté occulte. Puis là, je vais dire, ben, comprenez-vous ce que je veux dire, là? Puis ils vont dire oui. Je vais les forcer à admettre ce que je veux dire. Bon, mais ça, cette intelligence-là, cette certitude dans l'intelligence, ça fait partie de la volonté. Puis une volonté, la volonté chez l'homme, là, chez l'homme de l'évolution, la volonté chez l'homme de l'évolution, ou la volonté de l'homme conscient, ça sera une prise de terrain. Une volonté, c'est une prise de terrain, parce que l'esprit, c'est du terrain. C'est de l'espace de l'esprit. Puis quand tu es conscient, tu veux prendre tout l'espace, tu veux contrôler tout l'espace de ton esprit. Autrement dit, tu veux contrôler toutes les architectures de ton esprit. Puis les architectures de ton esprit, ce sont les pensées femmes qui font partie de la structure de ton esprit. Fait que tu n'es pas intéressé, quand tu es conscient, à avoir des structures mentales qui ne sont pas sous ta gouverne. Quand tu es inconscient, tu en as des structures mentales qui ne sont pas sous ta gouverne. Je te donne un exemple. Un petit gars qui est inconscient, il peut se faire dire par eux autres, sans qu'ils sachent que c'est eux autres, il peut se faire dire dans le mode « je », le « je », il peut se faire dire « je suis paresseux ». Tu peux pas dire, ils sont pas capables, eux autres, d'utiliser le mode « je », puis de t'envoyer la pensée dans ton mental. Utilise cette architecture-là quand tu es conscient. « Je suis paresseux ». Parce que là, l'homme conscient va dire, premièrement, parle comme du monde, parle-moi en dessus. Puis il va dire, qu'est-ce que tu veux dire, paresseux? Là, ils vont rire, puis ils vont dire, ben, je te taquine. Tu viens de détruire l'architecture mentale de l'évolution. Fait que, pour que l'homme, pour que la volonté de l'homme conscient, ça sera une volonté qui lui permettra de toujours contrôler les espaces, les architectures de son mental. Autrement dit, ce que tu as dans ta tête, c'est supposé de faire ton affaire. Si ça ne fait pas ton affaire, c'est parce qu'il y a de la manipulation. S'il y a de la manipulation, tu es supposé d'être capable de la voir, de l'observer, puis éventuellement de la neutraliser dans le sens que ton corps émotionnel sera plus utilisé pour jouer le violon. Ça fait partie de la certitude dans le mental. Fait que quand les architectures du mental ont été cleanées, nettoyées, que tu n'es plus astralisé dans le mental, ben, ta tête comme une tête de poisson, t'es comme moi. C'est vide. Puis le seul temps que c'est plein, c'est quand que ça descend. Puis ça n'a même plus besoin de descendre. Moi, j'ai pas besoin de les écouter me parler. Je veux même pas les écouter, oui. Mais ça descend par la vibration. Fait que là, dans la vibration, il y a de l'énergie, là, ça parle, ça dit toutes sortes de choses. C'est comme les lignes téléphoniques, ça. C'est quand l'onde rentre dans ton téléphone que ça parle. C'est la même chose avec eux autres. Fait que quand tu deviens bien conscient du plan mental, à ce moment-là, tu moroncialises ton énergie et ta conscience. Ça veut dire que tu ne peux plus être incarné dans la matière puis avoir une conscience réfléchie, c'est-à-dire une conscience qui sait rien. Tu es obligé d'avoir une conscience créatrice qui dicte le domaine de ton esprit. Dicter le domaine de ton esprit, ça veut dire que dans le mouvement de ta conscience créative, dans le mouvement vibratoire de ton ego conscientisé, tu es toujours conscient, tu es toujours en contrôle. Fait que si toi tu me demandes qu'est-ce que c'est Dieu, me te répondre. Si toi tu me demandes qu'est-ce que c'est le feu, me te répondre. Si elle me demande qu'est-ce que c'est un atome, me te répondre. Si lui me demande qu'est-ce que c'est le cancer, me te répondre. Autrement dit, l'homme est capable, dans la certitude de son mental, de faire vibrer l'énergie à un point où il est capable, à ce moment-là, de créer des formes à volonté, selon le besoin. Autrement dit, il va toujours... Moi, je vais toujours vous parler en fonction de vos besoins. Je ne vais pas vous parler en fonction de ce que vous n'avez pas besoin. Fait que si vous avez besoin de quelque chose, ça va être quelque chose dans 10 ans. Je vais vous dire rien que dans 10 ans, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Fait que c'est un petit peu de même que ça marche. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence. Ça fait partie de la volonté, puis ça fait partie des attributs de l'esprit. Ça n'a rien à faire avec l'âme. C'est les attributs de l'esprit. Une fois que l'homme est dans ses attributs d'esprit, sa relation avec eux autres, c'est chum-chum. Ils haïssent pour la forme. Moi, je les haïs pour la forme parce qu'ils ont trop manipulé l'humanité. Ils ont fait trop d'erreurs scientifiques dans le passé. Donc, ils sont responsables pour les conditions de l'évolution sur la Terre. Ils sont responsables du développement de l'ego. Ils sont responsables pour l'incarnation. Ils sont responsables pour la mort de l'homme. Parce que si l'homme était venu sur la Terre dans des conditions réellement propices, l'homme n'aurait pas eu besoin de mourir. Il aurait pu sortir de son corps à volonté, puis un jour décider, bon, je ne rentre plus dedans. Mais, comme les conditions n'ont pas été propices, qu'il y a eu des grandes erreurs dans l'évolution, à ce moment-là, l'homme en a été victime, puis l'homme a souffert énormément, mais il a souffert énormément seulement au niveau de l'âme. L'homme n'a jamais souffert au niveau de son esprit. Et la raison qu'il n'a jamais souffert au niveau de son esprit, c'est parce qu'il n'en avait pas. Le contact n'était pas là. Maintenant que le contact commence à se faire, parce que l'évolution vient, l'homme va commencer à souffrir au niveau de son esprit. Mais ça va être temporaire, ça. Dans le sens qu'il va commencer à vivre un ajustement de ses pensées. Il va commencer à voir la game, il va commencer à voir la manipulation, il va commencer à voir la programmation, il va commencer à voir qu'il n'y a pas de volonté, il va commencer à voir que la vie qu'il a, ce n'est pas celle qu'il aimerait avoir. Et puis, il va tout voir ça. Puis il va pouvoir commencer à changer lentement sa programmation, mais à partir de son esprit. À ce moment-là, il va être ce que j'appelle, il va avoir son droit d'aîné. Un homme sur la terre a le droit d'aîné, a son bâton d'aîné, ou son droit d'aîné, quand il est capable d'interroger les clans. Les interroger, ça veut dire leur imposer sa volonté créatrice. En leur imposant sa volonté créatrice, à ce moment-là, il les domine. En les dominant, il renverse l'évolution, c'est ce que j'appelle l'évolution. Dans l'évolution, les plans dominent l'homme, dans l'évolution, l'homme va dominer les plans. Puis c'est difficile pour l'homme de comprendre ça, puis de réaliser ça, puis de voir ça, parce que l'homme a été tellement conditionné à l'esclavage psychologique de son ego, l'homme a été tellement conditionné pendant l'évolution à être une créature, en parenthèse, du bon Dieu, que dans l'évolution, il va changer ça. Puis à ce moment-là, ces êtres-là vont travailler pour lui. Autrement dit, la lumière va travailler pour lui, le double va travailler pour l'homme. Et dans ce processus-là, l'homme va lentement se redécouvrir. Et en se redécouvrant, l'homme va voir qu'il est absolument un intouchable. Dans ses émotions, dans sa pensée, dans sa conscience, dans sa mémoire, et dans les vertus de son génie. Les vertus de son génie, ça veut dire que l'homme sera capable de faire n'importe quoi sur la terre, mais il sera plus astralisé dans ce qu'il fait. Et pour ça, il va falloir que l'homme soit énormément transformé, parce que pour ne pas être astralisé sur la terre, dans un mouvement de conscience créatrice, il faut être très, très conscient de se protéger des forces astrales. Puis pas seulement au niveau de lui-même, au niveau de ceux qui l'entourent. Donc, la conscience créatrice, puis sa capacité de travailler dans le monde, puis d'injecter dans le monde des grandes, grandes vertus des grandes vertus de travail, ça va prendre un temps, puis ça va prendre des hommes extrêmement purifiés dans leur conscience. Des gens de grande intelligence, des gens très libres en conscience, puis des gens aucunement dominés par les plans. Fait que c'est un grand processus d'évolution, ça. Parce qu'un processus comme ça, là, disons, si c'était réellement compressé dans le temps, puis on voyait ça dans l'action, là, ça serait l'abolition de la civilisation comme on la connaît. Parce qu'un homme conscient ne peut pas participer à l'évolution. Oui, tu ne peux pas me dire, mais Bernard, va donc voter. Voter pour qui? Jouer trop. Tu ne peux pas me dire, mais Bernard, voudrais-tu être président du premier ministre de la province de Québec? Je ne peux pas. Je vais être une dictature. Je vais créer des modèles que les gens ne pourront pas absorber. Fait que du monde conscient, des hommes conscients ne peuvent pas travailler avec les hommes. C'est pour ça que l'homme conscient, un être conscient, est obligé de se retirer du monde. C'est pour ça qu'on dira un jour, l'homme conscient, il est surhomme. Il est au-dessus des lois de l'homme. Pas dans le sens qu'il ne respecte pas les lumières rouges. Mais dans le sens qu'il ne fait pas partie de l'évolution et il n'est pas intéressé à ce qui fait partie de l'expérience de l'âme de l'humanité ou de ses races. Ça fait partie de la certitude du mental. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence. Ça fait partie de la conscience. Ça fait partie du renversement des tables sur les plans. Puis il faut que les plans... Il faut que le pouvoir des plans un jour soit totalement renversé. Puis ça va l'être. Ça va l'être dans la conscience de l'homme. Ça va être un long processus parce que l'évolution, c'est très long. Mais au niveau individuel, ça va se faire dans une vie. Puis après cette vie-là, bien, quand l'homme sortira de son corps, c'est comme moi, quand je serai prêt à sortir de mon corps, à ce moment-là, bien, les autres vont venir, tu le vois, tu l'identifies, tu sais qui c'est qu'ils font, tu les connais. Tu t'en vas avec eux autres, puis tu sais ce que tu t'en vas, mais tu ne te fais plus remettre en liberté. Parce que quand tu meurs, tu es remis en liberté. C'est pour ça que les gens, quand tu meurs, sont bien. Là, pis là. Tu ne vas pas remettre en liberté quand tu es conscient. Tu t'en vas travailler. Et tu t'en vas faire des choses qui font partie de ta conscience. Donc, tu reprends ton statut universel, puis dépendant de ton niveau d'évolution, tu fais des choses qui sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité sur la Terre ou pour l'évolution d'autres humanités dans d'autres mondes. Mais le point que je veux faire dans tout ça, c'est que l'homme doit apprendre petit à petit. Tu ne peux pas l'apprendre trop vite parce que tu ne pourras pas supporter ça. Mais l'homme doit apprendre petit à petit qu'il est maître de sa destinée. Mais vous êtes maître de votre destinée. Ça, c'est une chose. Mais pour le devenir maître de la destinée, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne, une destinée. Puis, il y a quatre grandes lignes de pensée pour une destinée. Une destinée, c'est une programmation. Ça veut dire que tu viens sur Terre incarné pour tel rôle. Deuxièmement, une destinée, c'est une limitation de ton intelligence. Il y a des raisons pour ça. Moi, j'aurais pu être psychiatre. J'aurais été un très, très bon psychiatre. Mais si j'avais été psychiatre, j'aurais pas pu faire ce que je fais. Fait que c'est mieux de ne pas être psychiatre pour faire ce que je fais. Il y a des limitations. Dans une destinée. Troisièmement, dans une destinée, il y a énormément d'apparences. Les apparences, c'est quoi? Les apparences, ça veut dire que tu n'es pas ce que tu voudras être. Tu n'es pas ce que tu pourras être. Tu n'es pas ce que tu devras être. Ces apparences-là sont nécessaires pour ta protection. Donc, quand tu réalises que tu n'es pas que ce que tu pourras être ou que tu n'es pas ce que tu aimerais être, parce que quand tu as une conscience universelle, tu aimerais être n'importe quoi, tu aimerais faire n'importe quoi. Tu ne peux pas, parce que ces apparences-là sont nécessaires pour ta protection. Puis ta protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sur la Terre, les hommes de l'évolution, donc les races incarnationnelles, ne peuvent pas te situer. Puis vous allez réaliser dans votre expérience, dans la mesure où vous allez devenir conscient que plus vous entrez dans le monde, plus vous venez en contact avec le monde, même si ce sont des gens très, très intelligents dans le monde, des PhD, des avocats, des juges, vous allez voir que c'est des enfants pour vous autres. Puis vous allez être obligé de les amener, si vous voulez, vous allez les amener à une certaine prise de conscience, si vous voulez. Si ça fait votre affaire, s'ils ont une sensibilité. Mais vous allez le faire pour des raisons qui font partie de leur évolution, sinon vous ne le ferez pas. Ça fait toujours partie des lois d'équilibre dans le monde. Moi, je connais bien, bien du monde intelligent. Moi, je connais des gens, j'ai des amis juifs. Puis moi, j'aime beaucoup les juifs. Les juifs, moi, ils me font... Ils ont quelque chose, les juifs, que j'aime beaucoup dans leur personnalité juive. Ils sont beaucoup, très colorés, ils sont très intelligents. J'ai des gens qui sont juifs, puis je les dérange pas avec mes connaissances ou avec ma... Avec le temps, je vais les déranger, mais un petit peu. Puis je vais les déranger un petit peu, là, rien pour leur faire sentir qu'il y a un autre juif avec eux autres, là. Parce que je suis capable d'être aussi juif qu'eux autres. Fait que là, ça me fait une petite vie sociale. Puis j'aime ça de la juiverie. C'est comme j'ai des amis arabes. C'est la même chose. Il y a quelque chose dans le génie arabe que j'aime. Les arabes comme du monde. Il y a quelque chose que j'aime. Bon, mais ça, je suis capable de me mettre dans cette conscience arabique-là. C'est extraordinaire. Fait que c'est ça que ça fait, la conscience créative. Mais il faut que tu aies de la certitude dedans. Cette certitude-là, elle fait partie de la elle est le résultat de la transmutation de tes corps, puis ça prend un certain temps, puis c'est long. Puis on a tous un peu la capacité de se métamorphoser, d'être d'autres choses. Mais cette autre chose-là, c'est toujours nous autres, mais c'est un nous autres plus grand. Parce qu'avant, on était un 2 pieds carrés, puis là, on s'aperçoit qu'on va être capable d'être 4 pieds carrés. On est capable de s'apercevoir qu'on est 16 pieds carrés. Moi, c'est incroyable ce que je peux faire. Moi, je vais dans l'avion, là, je me retourne d'abord, puis je vais dire au gars, « Hey, Paul, comment ça va? » Je sais son nom tout de suite, il est fuck net. Il n'en revient pas, il se lève, il veut me parler. Là, je suis obligé de dire, « Laisse-moi tranquille. » Ça fait partie d'avoir bien de l'espace. Ça fait partie de la certitude de l'intelligence. Mais pour ça, il faut que tu aies éliminé des mécanismes. Des mécanismes subjectifs, astralisés, de contraintes mentales, dont la croyance est le plus maléfique. On n'a aucune idée. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un livre seulement sur la croyance. Je ferai une autopsie de la croyance. Ça va toucher toutes les classes de la conscience sociale. Ça va toucher toutes les histoires de l'humanité. Ça va toucher les Français, les Anglais, les Juifs. Ça va toucher les Chinois. Ça va toucher techniquement tous les hommes parce qu'on est tout, on a tous été viciés par la croyance. Et en croyant un autre, en croyant les autres, en croyant des systèmes, en croyant des systèmes de pensée, on a perdu notre fondamentale vertu, c'est celle de pouvoir savoir par nous-mêmes. Galen de la médecine, on est devenu esclave du système médical. On n'est plus capable de se guérir tout seul, on n'est plus capable d'étudier, on n'est plus capable de trouver des remèdes. Qui sont là, là, là, c'est plein d'informations dans le monde. Ça va venir, là, parce qu'il y a une médecine alternative qui s'en vient. On n'est pas capable. On est devenu trop... on a perdu confiance en soi. Moi, j'ai trouvé un remède, là, dernièrement, là, extraordinaire, extraordinaire. Ça m'a retapé les poumons en dedans de 2 semaines. C'est dans le monde, ça, là, là. T'as pas besoin d'avoir un PhD, là, là. Au lieu de prendre un cortisone. Pourquoi? Parce qu'on a été... On a été trop civilisé. Puis plus qu'on est civilisé, moins on a la capacité de penser par nous autres-mêmes, parce qu'on a besoin des autres pour nous donner l'impression d'une certaine sécurité. Parce que quand tu es tout seul dans la vie, quand tu es tout seul dans le monde, quand tu es tout seul à penser d'une certaine façon ou à exprimer ton être, tu es réellement tout seul. Tu sais, moi, quand j'ai vécu la fusion en 69, je pouvais pas aller voir quelqu'un, un psychiatre ou un psychanalyste ou un gourou pour m'aider. Ça ne s'aide pas un gars comme moi. Fait que, en plus que ça se travaille tout seul, des montagnes du Mexique, des jungles du Mexique, tout seul. Fait que l'homme a besoin de vivre son tout seul, il a besoin d'être capable de vivre son tout seul, supporter son tout seul, mais intelligemment, pas comme un moine puis un moineau, en relation avec les hommes, mais intelligemment. Puis réaliser que d'autres personnes aussi sont dans leur tout seul, puis on est tous dans notre tout seul, parce qu'on est tout seul. Même si c'est une femme qui t'aime, qui t'adore, t'es tout seul. T'es tout seul. Quand tu meurs tout seul. Quand t'es malade tout seul. Elle peut dire, bon, mais t'es malade, la pauvre toutou m'a donné des toasts. T'es malade tout seul. T'es toujours tout seul dans la vie. La seule temps que t'es pas tout seul dans la vie, c'est en contact avec eux autres. Moi, quand je pouvais pas respirer, je disais, hey, sacrement, je peux pas respirer, là. Tu veux respirer un petit peu, tu n'as pas. Je t'en correct. Le médecin m'aurait dit ça, là j'aurais eu des problèmes. Mais venant des autres, pas de problème. Puis le médecin m'aurait pas dit ça, il aurait dit, faut que tu rentres à l'hôpital tout de suite, là, M. Bernard, t'es en train de mourir. Tandis que l'autre disait, tu n'as pas. Prends des petites puffs. Enfin, j'ai pris des petites puffs pendant 3 ans, 4 ans. Là, je t'ai tanné de prendre des petites puffs. Comme ça que ça marche. On est devenu trop dépendant. On est devenu dépendant des autres de la connaissance. On est devenu dépendant des autres pour le travail. On est devenu dépendant des autres pour toutes sortes de supports. L'homme n'a plus de conscience individualisée. On est servile du système. On est totalement servile du système. Totalement. J'ai rien contre le système, il est beau. On a fait des belles choses. Il faut qu'on soit libre du système. Sans ça, on devient totalement des êtres empoisonnés, puis c'est ce qui se passe, puis c'est pour ça qu'on a de la pollution au niveau de l'advertising, on a de la pollution au niveau de la radio. Tu vas dans les restaurants, tu peux pas avoir la paix, il y a toujours Michael Jackson qui est là, sacrément à te péter les oreilles, tu sais, il n'y a plus de paix. Les autres font des millions, mais toi, ils te créent des stress, tu sais. En parlant de la mort de la religion. Le peuple québécois, c'est un peuple très intuitif, très intelligent. Puis le peuple québécois va se libérer complètement de ça. Puis avec le temps, éventuellement, le peuple québécois va devenir un point de repère dans le monde pour l'évolution de certaines connaissances qui ne font pas partie aujourd'hui dans le monde des connaissances des nations. Comme bien ça. Moi, il y a des Américains qui m'écrivent, qui m'envoient des lettres. Qui me disent, comment se fait que tu n'es pas aux États? Tout se passe aux États. Des Français, des gens d'Australie, un grand peuple, le peuple québécois. Puis c'est un peuple qui a beaucoup souffert, qui était extrêmement dominé par la religion. D'ailleurs, tous les peuples ont été dominés par les religions. Étudiez les religions du monde, puis les religions aujourd'hui, là, ce qui se passe même aujourd'hui, là, nous autres, on est plus libérés ici, là. Mais regarde des pays sous-développés, ce qui se passe, là. Incroyable. Ma haine contre la religion est totale, moi, totale, totale. J'écris pas de livre sur religion, parce que les hommes ont besoin de religion. Mais s'il fallait que j'écrive un livre sur les religions, ça serait anathème. Ça serait abominable. Rome ne sera pas content. Laisse-moi une chose. Parce que j'ai une façon d'expliquer la religion, moi, qui n'a rien à faire avec le caractère historique. Je ne fais pas de citation quand j'écris des livres. Mais quand je fais la Genèse du réel, c'est moi qui l'écris. Je ne fais pas référence à Platon. Platon, il ne connaît rien. Fait que... Il y a des choses qui sont nécessaires dans le monde. Les religions sont nécessaires dans le monde. La police est nécessaire dans le monde. Les systèmes sont nécessaires dans le monde pour l'homme de l'évolution. C'est pour ça que la conscience, c'est pour l'homme individualisé. Ça n'a rien à faire avec une conscience collective. Ça. C'est totalement une conscience individualisée. Moi, ma mère, quand elle allait à la messe, à l'oratoire Saint-Joseph, j'y allais avec elle, je me mettais à genoux comme tout le monde pour ne pas énerver personne, surtout elle, puis je faisais mon signe de croix, puis je regardais l'architecture, puis je trouvais ça beau. Viens la pensée que je priais le bon Dieu. T'es content? C'est ça de l'intelligence. Sans ça, tu veux changer le monde. Si vous voulez changer le monde, ça va être la plus grande erreur que vous allez faire dans votre vie. Parce que là, vous ne traitez plus maintenant avec des connaissances psychologiques, des connaissances philosophiques. Vous traitez avec une vibration. Puis plus vous allez grandir en conscience, plus vous allez devenir vibratoire. Puis quand vous allez être vibratoire, vous allez savoir que vous êtes vibratoire. Quand même le gars, quand même qu'il y avait un jésuite qui dirait que tu n'es pas vibratoire, tu vas être vibratoire. Il n'y en a plus d'autorité au-dessus de toi quand tu es conscient. Tu peux dire qu'il y a des hommes qui ont des belles intelligences, qui ont des intelligences très développées, des intelligences très fortunées, mais il n'y a plus d'autorité sur l'homme conscient. Il n'y a plus. C'est ça la grande révolution occulte du 20e siècle. Quand Aurobindo disait « En 69, la lumière descendra sur la terre. » Ça, ça veut dire qu'en 69, cette lumière-là est descendue à la conscience de l'homme et que l'homme, finalement, a pris conscience de lui-même pour la première fois. Mais en prenant conscience de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris conscience d'eux autres. Parce que quand tu prends conscience de toi-même, tout seul, tu deviens sujet à la vanité. Tu vois-tu un gars comme moi prendre conscience de moi? Je serais le plus grand Napoléon sur la planète. Je serais le plus grand, comment ça s'appelle ça? Égomaniaque, je sais pas, moi... Quand ils veulent dire des choses puis qu'ils veulent que ça soit eux autres qui le disent, ils me forcent d'aller au tableau puis l'écrire. Fait que comme ça, ça coupe, ça sépare l'impression que l'homme peut avoir que c'est lui qui a des pouvoirs occultes. Ça marche pas de même. La lumière, les pouvoirs, appelez ça comme vous voulez, ça vient des plans. Puis l'homme un jour accédera à ça avec grande facilité. Il n'y a rien qu'à ouvrir le robinet, puis l'eau passera, mais l'eau se fait ici, elle ne sera pas polluée. Ça, ça fait partie de l'évolution. Mais comprenez les choses. Imaginez-vous que vous êtes en sixième année ou en cinquième année, puis moi, je suis un prof à l'université, puis je vous explique quelque chose. Il y a une grande distance entre moi et vous autres au niveau technique. Quand je vous dis « croyez pas », vous ne savez pas ce que je veux dire. Avec le temps, vous apprenez à le savoir. Quand vous le saurez, vous serez libre. Vous serez libre de moi, vous serez libre des hommes, vous serez libre des plans. Quand je vous dis, croyez pas, vous n'avez pas besoin de croire. On a cru toute notre vie, on a cru pendant des siècles. Ça nous a mis dans des conditions d'évolution. Ça nous a fait vivre des histoires infâmes. On a vécu de l'infamie. On vit encore de l'infamie aujourd'hui. Allez aux Indes, allez des pays du tiers-monde. C'est de l'infamie. Regardez ce que les femmes vivent. L'homme n'a jamais été capable de bénéficier de la lumière de la femme dans les structures planétaires de ses gouvernements. Puis la femme a tellement d'intelligence, tellement d'intégrité, tellement de lumière, tellement de délicatesse, tellement de sincérité, tellement d'honnêteté, est tellement loin du besoin du pouvoir. Si sa lumière était rentrée dans nos formes, dans nos décisions gouvernementales, il y a bien, bien longtemps, aujourd'hui, on aurait des grandes démocraties. Oui. Le 84, ce qui a été causé, c'est le pouvoir des forces sur l'or. Autrement dit, la totale annihilation de la spiritualité de l'homme. Occulte par rapport au plan. Ou la spiritualité occulte de l'homme par rapport au plan. Ça a été causé. Ouais. Occultement. Sur le plan occulte, ça a été causé. Oui. Pas croire. Je peux vous dire que ça va se faire demain matin, mais ça ne se fera pas demain matin. C'est lui que je vous dis. Puis dans un sens, c'est bon, je vous dis, ça prend du temps parce que ça vous empêche de partir en ballonne, ça vous empêche de vous énerver, ça vous empêche de vous créer des formes, ça vous permet de retourner chez toi et de travailler normalement. C'est plus l'affaire de prendre un avion pour aller aux Indes là, pour rencontrer un gourou. Là. Puis à part ça, ce qui est important pour vous autres, c'est de vieillir, puis d'avoir du fun, toujours au rôle. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour vous autres, c'est de vivre. Puis un jour, vous serez content de revenir et de repouvoir jouer au golf. Je vous garantis que votre vie, ça va être un cercle. Vous allez partir d'ici, vous allez être spirituel, puis vous allez revenir un jour à une conscience matérielle, mais avancée, consciente. Si vous pensez que parce que je suis une personne occulte, que j'aime pas la matière, puis que j'aime pas les belles choses, puis que j'aime pas jouer au golf, je joue pas au golf, là, mais techniquement, je suis bien plus matériel que vous autres. Ça m'a pris des années pour refaire le cercle. Mais j'ai un petit grand coup de vie que vous autres, vous avez. Parce que vous autres, vous êtes sur la courbe d'évolution, vous êtes en évolution spirituelle, vous êtes là. Parce que moi, je suis revenu ici. Voyager, j'aime ça, puis des belles choses, j'aime ça, puis des beaux animaux, j'aime ça, puis... j'aime ça. J'aime tout. Je suis plus matériel que vous autres. Je suis pas matérialiste. Je suis matériel. J'aime la matière. Puis la matière, c'est... C'est le monde à l'intérieur duquel l'homme doit vivre jusqu'à la mort et il doit en arriver à pouvoir vivre dans la matière le mieux possible. Avec de la santé, un corps en ordre, puis de l'argent pour vivre, se payer son loyer, tout ça. Tout ça, il faut que l'homme l'ait. Sans ça, vous allez avoir bien l'intention. Elle peut pas se faire rapidement l'évolution, savez-vous pourquoi? Parce que l'homme a été trop astralisé. Regardez ce qui se passe là, quand vous avez un chum, là, puis vous l'aimez, là. Je ne parle pas de vous, là. Quand vous avez un chum, puis vous l'aimez, là, puis il vous laisse, là. Ce que vous vivez intérieurement, ce que la femme vit, là, quand elle est déçue, puis elle s'aperçoit que son chum, il a triché avec une autre fille, là. C'est incroyable ce qui se passe en dedans de la femme, comment elle souffre. Toutes ces choses-là. L'homme, c'est la même chose. Quand tu perds une belle job, puis c'est un autre qui prend sa position. Pis le boss, il dit, bon, on n'a plus besoin de tes services après 25 ans. Le monde, l'homme vit des choses, l'être humain vit des choses qu'un jour, il ne vivra plus. Pourquoi? Parce que sa conscience va être désastralisée. L'ébullition, elle ne peut pas être rapide. Oubliez ça. Oubliez ça. Si l'ébullition serait rapide, ça fait très très longtemps que l'homme sur la terre serait un grand être. Les gouvernements, ça serait des grands gouvernements. Au lieu de se taper des situations comme on se tape aujourd'hui encore à la fin du 20e siècle. Des femmes qui s'immolent aux Indes quand le mari meurt. C'est quoi ça? Tabarnak! Laisse-moi finir, mon affaire. La femme qui s'immole quand le mari meurt. J'en parle dans le livre sur la femme. C'est. On vit dans de la domination, on vit dans de l'infamie. On est chanceux, nous autres, en Europe, là, en Amérique, au Canada, là. Mais promène-toi un petit peu à l'extérieur, on est chanceux. Laisse-moi vous dire qu'on est chanceux. Voyagez un petit peu, là, vous allez voir que c'est pas un cadeau. C'est pas pour parler du sur-terre, ça, mais on est chanceux. On a un petit peu d'avance. Fait que l'évolution, ça ne peut pas être rapide. Ça ne peut pas être vite. Ça ne sera pas. Regardez avec l'évolution de l'humanité. La seule chose, pour vous faire plaisir, là, c'est que l'évolution sur la base individualisée, parce que ça va se faire sur une base individualisée, ça va se concrétiser, la conscience, dans la vie de l'homme, dans sa vie. Autrement dit, quand tu deviens conscient, là, quand tu arrives à un point là que ça, lui, là, Fillon, là, que je connais depuis des années, là, ça commence à se tasser son affaire. Il commence à avoir une prise de conscience personnelle. Là, ça commence. Il a vécu des grands événements pour l'amener à vivre. Puis ça fait des années qu'on se connaît. Fait que ça ne peut pas se faire dessus. Pourquoi? Parce que on est plus entêté qu'on pense. L'ego est plus entêté qu'on pense. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça peut, que les initiés sont obligés de vivre des fusions, casser l'ego, dépersonnaliser, perdre la mémoire? Pourquoi? Parce que pour pas qu'il y ait d'obstacles. Puis encore, ça nous prend des années, ça prend 14 ans pour en arriver à intégrer toute cette énergie-là pour des travaux particuliers. OK. Fait que là, l'homme seul dans la rue, là, qui commence à évoluer, là, vous pensez que ça peut aller vite? Non, oui. Bien, c'est pas que ça fait l'affaire des plans, c'est que c'est une protection pour l'homme. C'est une protection. Vous autres, vous pensez que l'intelligence, c'est de l'intelligence. Un jour, vous comprendrez que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Moi, j'ai fait une expérience avec Daniel Ménard il y a bien, bien des années. Puis Daniel Ménard, c'est un type que je connais, qui a un très, très bon contact avec les clients. Puis j'ai fait une expérience avec lui. J'ai dit, tu vas me dire ce qu'ils te disent. Fait qu'il me dit ce qu'eux autres, ils disaient. Puis j'ai complètement contrarié ce que eux autres lui disaient. Il a vécu un état de folie quasiment qui a duré près de 3 jours. De l'intelligence et de l'énergie, ce n'est pas de la force. C'est ça qu'on réalise pas. C'est pour ça que c'est là. Il faut que l'homme soit protégé. Puis le seul être qui peut protéger l'homme contre, je dirais, son ambition de développement, c'est le double. Il nous connaît. Il vous connaît. Votre double vous connaît, son double la connaît. On a tout notre chum là. Fait que, pressez-vous pas évoluer. Occupez-vous d'avoir une bonne job, d'être une belle femme, vous amuser, avoir des amis. Puis gardez votre focus réellement sur la terre. Parce qu'à partir du moment où ça change, vous allez voir que c'est bien, bien facile de devenir gaga. Protégez-vous. Les pieds bien enracinés. Puis l'évolution, va se faire de ça. D'ailleurs, c'est pas vous qui allez vous faire évoluer. C'est eux autres qui ouvrent, puis qui ouvrent, puis qui ouvrent. Selon ce que l'homme peut prendre. Puis après, avec le temps, mais ça fait partie de la programmation. Les événements sont là. Les événements que Fillon vit aujourd'hui sont programmés depuis bien longtemps. Puis là, il rentre les événements. Puis là, il est capable de dealer avec. C'est comme ça que ça marche. On pense qu'on contrôle notre vie, on ne contrôle pas notre vie. Un jour, on la connaît, notre vie. Quand on la connaît, qu'on sait qu'on ça marche, là, on commence à la contrôler. Pas bien. Donc, de dire que c'est long, je comprends que le monde se plaigne que c'est long. Ça, je comprends. Mais c'est bon que ce soit long, parce que si c'est à vite, on ne prend pas le 30, on sera Seigneur de Dieu. Fait que, oubliez ça, la conscience. Oubliez, occupez-vous même pas de ça. Ça rentre, ça va rentrer malgré vous. C'est plus une affaire de recherche personnelle, ça. C'est plus une affaire de dire, bon, ben, je vais évoluer, là, je m'en vais aux Indes. Là. Tu vas pas nulle part quand tu te conscientises. Tu peux rester à Sainte-Adèle, puis ils vont te mettre en vigilance. Donc, prenez ça aisé, puis vivez bien. Qu'est-ce que vous aimez à faire dans la vie? Bon, je le dîner, c'est très bon. Ça vous relaxe, je le dîner. C'est très bon. Qu'est-ce que vous aimez à faire ça? Bon, OK. Avez-vous des relations humaines, des hommes, on va dire? Non, c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir. Parce que c'est l'autre, là, évidemment, ça ne me regarde pas. Je suis capable de regarder pareil. C'est pour vous taquiner. Regardez ce qu'il dit. Bien important qu'elle s'amuse. C'est important qu'elle ne soit pas trop sérieuse. Très intelligente. Très sensible. Il faut qu'elle s'en aille. Dites-vous. J'ai rien regardé avec un petit peu. Bon. Bernard. Oui. Ça fait quelques conférences qui est question que l'émission n'est pas rapide. Et moi, j'ai nettement l'impression qu'elle n'a jamais été si rapide qu'elle est depuis les dernières 20 années. C'est sûr. Mais ce qu'on nous amène en tant qu'information pour avancer. Oui, mais c'est parce que c'est une perspective de 20 ans. Tu as une expérience de 20 ans, toi, là. Moi, si je retourne 10-15 ans en arrière, là, tu trouves ça long? Oui, mais tu sais, c'est une base de 2000 ans. Ah, mais c'est sûr, là, c'est sûr. On sait plus de choses depuis 20 ans sur la Terre qu'on a su depuis que l'homme est incarné. Incroyable. C'est un petit peu comme la science. On a plus de science depuis 100 ans sur la Terre que tout ce qu'on a. C'est la même chose. C'est sûr. Oui? C'est quoi le PTSD de l'expérience que tu as faite avec la mémoire? C'est qu'il faut démontrer. C'est démontrer que quand une conscience occulte, tu es capable de rentrer à la conscience occulte d'une autre personne. Puis si tu as un statut occulte, tu es capable d'établir une priorité de connaissance au niveau de ton statut occulte par rapport à celui de l'autre personne. Ça fait partie de l'hiérarchie. Daniel a réagi comme ça, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que c'est une erreur de croire ce qu'on lui a dit dans sa tête? Non, c'est pas qu'il a réagi, Daniel, c'est qu'il a vécu simplement un changement vibratoire. Autrement dit, quand tu es. C'est comme une lutte qui se fait entre mon plan et son plan. Puis cette lutte-là, mais c'est lui qui l'a vécu au niveau expérientiel. C'est une lutte. Autrement dit, ça se passe de ses plans, mais toi, tu reçois le tas. Mais ça, c'est un pour démontrer quelque chose. C'est encore pour démontrer que ce qu'on appelle de l'intelligence, c'est de l'énergie. C'est plus la forme qui est importante. La forme est simplement utilisée pour le véhiculer, cette énergie. Ah, mais il y a pas mal de questions. Ouais, c'est bon, j'aime ça, les questions. Ouais. C'est le fun de la formule. Aimez-vous ça, la forme de question? Hein? C'est intéressant. La bonne question intéressante, vous, là? Ouf, la petite dame, vous, là? Oui. Oui. Ah, ben ça, c'est bon. OK, puis il n'y a plus de questions. Oui, tout à fait. Je Oui. Parce que c'est important pour moi de savoir si vous aimez ça, les questions. Si vous aimez pas ça, les formats, après ça, je m'en vais au tableau, je fais mon affaire. Puis quand les questions sont intelligentes, mais ça sert à... Oui? Les hommes d'une femme et d'un homme, le parallèle qu'on a de travail. Oublie ça. Oublie ça, c'est totalement psychologique. C'est totalement psychologique. Oublie ça. Ça n'a rien, ça... Oublie ça. Ça n'a pas de sexe, ça, ça n'a elle pense pas comme l'homme, ben heureusement. Ben, il travaille différemment. Il a un vase différent, il travaille différemment. C'est comme si tu as deux cristaux, tu passes une lumière dans un cristal, tu passes une lumière dans un autre cristal, tu vas avoir une réfraction différente. C'est un petit peu de même. La femme, c'est une sorte de cristal, l'homme, c'est une sorte de cristal. Il passe de la lumière, puis ça sort différemment. Puis nous autres, on a une sorte. Oui? Mais ils disent tout le temps que la femme est plus intelligente que l'homme. La femme est plus intelligente que l'homme. Parce qu'il y a moins d'obstacles, il y a moins d'ego, il y a moins d'orgueil. Mais au niveau occulte, au niveau interne, au niveau la femme est plus intelligente que l'homme. Puis ils disent que la raison pour laquelle aujourd'hui la femme dans le monde a beaucoup de difficultés à se placer, ainsi de suite, parce qu'elle a été empêchée pendant l'évolution de prendre sa place. Physiquement, délicate, ainsi de suite, l'homme était très fort, l'homme était guéri, ainsi de suite. Mais avec l'évolution dans le temps, là, la femme va prendre de plus en plus de place dans le monde, puis on va bénéficier, nous autres, les hommes, la civilisation va bénéficier de ce qu'elle peut apporter l'humanité. Et tu sais, quand tu mets une femme juge là, dans une cour, là, une femme avocate, une femme chef de corporation, une femme. Les femmes ont le génie d'être réelles, beaucoup plus que nous autres. Grand être, la femme. Moi, ils m'ont défini une femme, la femme, une fois dans ma vie, ils n'ont jamais voulu me le redéfinir. Je ne me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit. Mais quand ils m'ont dit ça, là, quand ils m'ont décrit ce que c'était la femme, cosmiquement parlant, là, j'ai été pas mal renversé. C'est très intelligent, une femme. Puis nous autres, les hommes, notre problème, c'est qu'on a de la difficulté à bénéficier de leur intelligence, puis eux autres n'ont pas suffisamment de capacité de la sortir, cette affaire-là, à cause de leurs émotions, puis le ci, puis le ça. Mais quand la femme va être conscientisée, là, puis qu'elle va être égale à l'homme au niveau esprit, là, quand une femme puis un homme qui se rencontrent esprit, là, laisse-moi dire que tu vois la beauté de la femme. C'est extraordinaire, une femme. Puis dans ce moment-là, mais la femme est aussi intelligente que l'homme, puis l'homme est aussi intelligent que la femme, puis il n'y a plus de hiérarchie entre les deux. Ils sont réellement égales. C'est là qu'il y a une grande complémentarité, puis que là, tu es réellement bien avec la femme. La raison pour laquelle c'est difficile pour l'homme d'être bien avec la femme dans le sens d'esprit à esprit, c'est parce qu'il domine trop, puis elle se laisse trop dominer. Et sa faiblesse, elle se laisse trop dominer. Mais la journée où la femme ne se laissera plus dominer, son esprit va se mettre en vibration, son intelligence va réellement éclabousser le monde, et l'homme va prendre son trou. J'allais dire sa place, mais je vais mieux dire son trou. Très intelligente, la femme. Mais elle aussi, elle doit évoluer. Puis elle aussi, elle doit prendre conscience d'elle-même. Puis elle aussi, elle doit élargir son territoire. Elle élargit pas assez son territoire. Elle intériorise trop. Quand on va élargir son territoire, puis on va tout voir ça sortir, cette affaire-là, ça va être stop. D'ailleurs, c'est la femme qui va faire évoluer l'homme. L'homme ne peut pas évoluer tout seul. Il n'est pas assez intelligent. Il est trop orgueilleux. Il est trop dominateur. Il ne voit même pas la domination de son esprit sur la femme. La femme, elle, elle sent sa domination toute la journée. À partir du moment qu'elle se lève le matin pour que ses œufs soient bien cuits, jusqu'au soir où il faut que l'oreiller soit bien tossé. C'est pas un cadeau, l'homme. Il était fait pour la guerre. C'est pas un cadeau, l'homme. Oui. Je crois que souvent, deux hommes qui vont prendre le temps de manger pour parce que c'est. Pour avoir une grande constitution physique, système nerveux. Moi, je regarde avec mon initiation, puis Je comprends. C'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire plutôt de... C'est une affaire de constitution. L'homme est fort. Une grosse machine. Mais la femme... je pense que c'est bon. Puis l'homme est capable de générer beaucoup plus de colère que la femme quand il est initié. Fait que, probablement que l'homme est plus... C'est plus favorable que l'homme, qu'un corps d'homme soit utilisé dans une initiation solaire qu'un corps de femme pour partir la base. Après ça, les femmes rentreront dans leur intelligence puis leur conscience puis pourront faire des grandes choses. Mais pour partir la base, ça prend des grandes forces intérieures. Grande constitution physique, nerveuse. Oui? Lorsque, tantôt, tu as mentionné que... Imaginez-vous si j'avais été une femme. Si j'avais été une femme avec tous les attributs d'une femme, ça aurait été, j'aurais été too much. Ça aurait été trop. C'est déjà... Une femme, c'est déjà magnétique, c'est déjà... fait que... Ça aurait été trop. Comme je le disais une journée, je le disais, pourquoi est-ce que je n'étais pas 6 pieds 4? J'allais pas être 6 pieds 4. Tu sais, il y en a des beaux grands hommes 6 pieds 4. Puis il disait que la femme aurait trop magnétisé le monde. Fait qu'ils ont fait un petit cul, là. 5 pieds 7. Juste correct. Fait que ça fait toute partie des lois d'impression. Fait qu'imagine-toi une belle femme, initiée, oubliez ça. Oubliez ça. Je serais le premier à pécher. C'est une joke. Non, il dit que ça fait partie des bonnes impressions. Oui, Jean. OK. Quand l'homme va renverser la vapeur, il va être en mesure de dominer les sessions d'eau. Qu'est-ce que c'est qui se passe hiérarchiquement, premièrement? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le monde moronciel vont avoir à apprendre de cet événement-là? Ce que le monde moronciel va apprendre de cet événement-là, ça va être su seulement quand l'homme va mourir. Parce que quand l'homme va mourir, il va passer à conscience moronciel à ce moment-là, il va étudier son statut universel pour intégrer, pas pour intégrer son énergie, mais pour intégrer son monde. Puis intégrer son monde, ça veut dire prendre place dans ces plans-là. Là, parce que c'est quand tu passes en conscience moronciel, tu prends place dans ton monde. C'est comme si ton monde, tu le connais. C'est comme si tu... Bon, je te donne un exemple. C'est comme si un bébé venait au monde, là, au monde, dans notre monde, à nous autres, là, puis il saurait tout comment runner une compagnie, déjà. Bon, mais quand tu vas en conscience moronciale, c'est la même chose. Tu meurs, c'est comme si tu t'incarnes de l'autre bord, mais sans t'incarner, tu passes de l'autre bord, mais tu as toute conscience de ce qui se passe. Puis ça, ce que tu vas faire, ou le plan... d'action, mais à ce moment-là, ça fait partie du secret de ta fusion, et c'est pas connu. Autrement dit, ce qu'un être moronciel fait, rendu au bord, ça fait partie de sa relation avec son double, puis ça, c'est pas connu. C'est les humanités, dans ces mondes-là, vont connaître, savoir, ce qui va en ressortir de ce travail-là, au fur et à mesure où il va y avoir exécution. Parce que si c'était connu d'avance, ça, si c'était connu ce que Nate Moronciel puis un ajusteur de pensée ferait, nous voir, regarde ce qui se passerait. Ils disent que les mondes créeraient une autre rébellion. Parce que les mondes, dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes, ce sont des univers qui sont locaux, qui sont systémiques, à l'intérieur desquels il y a énormément de population. Puis les populations, même si elles évoluent sur des plans très, très élevés, ce sont des populations qui ont des territoires, c'est-à-dire que il y a des spécialités. Il y a des intelligences, par exemple, qui ont le rôle de convertir l'énergie du rêve en illusion totale. Ça, c'est leur rôle. Ils font rien que ça. Puis c'est des très vastes populations. Alors, ces êtres-là, s'ils savaient ce qu'une conscience moronciale fusionner frais après la mort, par exemple, de l'être moronciel, il pourrait commencer déjà à boycotter, avant que la mort ancienneté prenne place, puis on retournera avec un problème qu'on a eu avant l'incarnation de l'homme, avant les cycles adamiques. Fait que ça, c'est une protection, pas une protection pour l'homme, pour l'individu, pour la mort ancienneté, mais c'est une protection pour les mondes, et ils sauront ce qu'ils auront à connaître dans le temps. Ils ne peuvent pas le savoir avant le temps, parce que ça ferait ça. Puis l'autre chose que ça ferait, c'est que ils disent que l'énergie moroncielle, c'est une énergie de dislocation. Autrement dit, quand un être est fusionné, quand il meurt, qu'il s'en va de mort, son énergie, c'est une énergie de dislocation. Ça veut dire que tous les calendriers cosmiques sont changés. Autrement dit, toutes les archives sont restabilisées pour permettre que les humanités à venir aient des ajusteurs de pensée qui travaillent différemment pour que l'homme puisse penser différemment. Des gouvernements invisibles qui fonctionnent différemment pour que les ordres qui sont amenés vers la Terre en inconscience soient un petit peu plus civilisés. Autrement dit, si on est pour un jour avoir un gouvernement mondial, puis une abolition des une abolition de la guerre, puis une abolition de toutes sortes de choses qui vont à l'envers ou à l'encontre de l'évolution de notre planète, il va falloir que les hommes inconscients, même des politiciens, ainsi de suite, reçoivent de l'information, les juges, les avocats, reçoivent de l'information qui vont leur permettre de se saisir de tout ça. Mais pour ça, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait moroncialité avant. Parce qu'il y a trop de karma sur la Terre. La Terre est... Tout est karmique sur la Terre. Les guerres sont karmiques, les pestes sont karmiques, tout est karmique. Ça fait toute partie de l'évolution de l'âme. Puis l'âme ne peut pas être impliquée dans ce processus-là. Si c'était connu, ces choses-là, l'âme serait impliquée parce que une fois que c'est connu, c'est répandu tout partout. C'est comme le téléphone arabe. C'est-à-dire que c'est probablement connu à des niveaux vibratoires plus élevés. C'est ça. Dans la mémoire du futur. C'est ça. Puis la mémoire du futur ne peut pas être utilisée. L'ajusteur de pensée qui transmet en double vit l'expérience de l'homme. Fait qu'éventuellement, lorsque l'homme fusionne, va en mortalité, normalement, il n'y aura pas besoin, parce qu'il n'y a pas pris corps physique, cet être-là qui. Fait qu'à ce moment-là, l'expérience que l'homme a vécue, qu'il a, disons, qui était à cheval dessus, qui a ressenti les mêmes vibrations, etc., il n'y aura pas besoin de revivre ça. Lui, non, c'est fini ça. Parce qu'il y a une fois que la moroncialité est faite, il n'y a plus d'incarnation. L'homme ne se réincarne plus jamais après. Il reste en conscience moroncielle, seulement qu'il travaille avec le double dans une parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Le double ne travaille pas avec l'homme sur la Terre en parfaite harmonie. Lui, il run le show. Puis nous autres, on essaye avec le temps de pouvoir balancer la manipulation, mais en moroncialité, le double et l'homme travaillent en parfaite harmonie. Aucune. Je peux te donner des un petit peu des aspects de ça là, en moroncialité. Là. Ils disent qu'en moroncialité, le double, c'est l'éducateur. L'homme devient l'éducateur. L'homme devient. Là, je viens de le parler. Le double est l'éducateur, puis l'homme il devient d'autres choses. Mais là, il vient un coup de moi. L'homme devient l'exécuteur. Le double c'est l'éducateur, l'homme devient l'exécuteur. Il dit, de ça, il se crée ce qu'on appelle un troisième être. Ça, ces êtres-là sont les êtres orangés dont parlait Aurobindo. Autrement dit, l'homme moronciel, c'est un être orange. Sa couleur est faite de l'énergie du double et de sa couleur à lui, les deux ensemble, créent une couleur orange, puis les hommes en conscience moroncielle, dans les mondes moronciels, sont des êtres qui ont un aura totalement orangé. Bien, c'est un orangé qui est très doux, puis c'est un orangé qui n'a aucune réflexion, dans le sens qu'ils peuvent passer, ils peuvent aller dans un monde et ne pas être vus par tout. Fait que les êtres dont parlait Aurobindo là, sont le résultat de la fusion du double avec le mortel. Peut-être orangé. Et le grand avantage, c'est qu'ils peuvent voyager d'un monde à un autre sans être vus. C'est des choses que les initiés ont déjà faites sur la Terre vis-à-vis d'autres hommes passés dans des foules qui passent à des C'est ça. Acceptés par certains. C'est ça. Donc, c'est des phénomènes qui font partie de, qui font partie de leur capacité de magnétiser l'âme. Autrement dit, c'est comme si tu disais là, bon, leur volonté, ils sont capables de dire à une personne, mais tu ne me vois pas, puis donc ils ne me voient pas.